bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. Paix aux vaillants, inspirer vu que nos cœurs battent. La rancœur parle, faut respirer pour encore se battre. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. On lâche encore un autre texte, c'est pour la Bloc Family. Les temps sont durs, faut qu'on tape. Je viens donner un peu d'espoir, même si des fois je désespère. On laisse croire n'importe quoi et ça, ça m'exaspère. Parfois on souffre, mais faut savoir d'autres encaissent pire. Donc je me dis, on doit garder le sourire tant qu'on respire. Avoir ses principes, tout ça c'est nécessaire. Et ça c'est sûr, faut pas oublier ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Chaque jour est un combat, donc faut plaider ses sœurs. Chaque jour est un combat, donc faut aider ses sœurs. On a droit à la parole, les plus faibles acceptés. Toujours les mêmes qui subissent, j'peux vraiment pas l'accepter. Moi je vais me battre et j'attends pas qu'on me dise vas-y. Mais faut pas que je vacille, Belek me voici. Qu'est-ce qu'un concret à part la famille, la vérité, les descendants. Faut connaître sa source pour réclamer son indépendance. C'est les haramistes qui nous ont mis des chaînes. Génocide à petite échelle, coincé entre les prières et les sentences. Frérot évite l'échec, ça leur fait plaisir. La vie c'est pas d'échec, mélange pas bonheur et désir. On gratte dans le désert, apprends dans le désordre. Depuis qu'on a des armes, la vengeance a donné ses ordres. Paix à nos prédécesseurs, leur passé nécessaire. Fait que je vois l'Occident comme un pointeur qui fait prédécesseur. Mais vas-y expliquer le dynastie. L'hypocrisie face à l'histoire, c'est comme une faille dans nos dynasties. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. Paix aux vaillants, inspirer vu que nos cœurs battent. La rancœur parle, faut respirer pour encore se battre. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. On lâche encore un autre texte, c'est pour la Bloc Family. Les temps sont durs, faut qu'on stabilise. Trop d'amalgame, donc des frères sont des terroristes. Mais sache que moi, y'a qu'au Mike que je terrorise. Le monde devient infâme et de plus en plus sectaire. Dire ce que je pense, je le dirai. Je serai présent sur cette terre. Je mène une ultime guerre et ce sans famas. C'est pour mes frères de sang d'Alger jusqu'à Damas. Peu importe le danger, il faut que j'amasse. Musulman mais pas martyr comme ces gens du Hamas. On n'est pas là pour se plier comme on dit chez nous. Ici avec la mosquée qui fait que les miens finissent à genoux. J'prie pour que ça aille mieux, quand aujourd'hui Denia Saïba. On sait que demain il fera jour, donc Leila Saïda. Tellement de gens voudraient nous voir en cours d'assises, passer à la barre. Faire une bonne quinzaine pour finir entassé à la gare. Aucune morale à part, un mythomane du 20h. Poseur de dynamite au mic, j'rappe au nom des vainqueurs. On va être shoot en plein cœur. Tu croyais peut-être qu'on voyait pas. Ça te fait trop mal de tendre l'oreille quand on voyait pas. Alors t'accuses, yeah. Et le pouvoir t'amuse, yeah. Tu te crois au-dessus de tout le monde et le pognon devient ta muse. Mais t'es rien, et comme Dieu DM, tu connais pas la vraie. Qu'est-ce que délinquance vu que c'est toi qui nous a pas la frais. Tu croyais quoi, hein? T'allais pouvoir m'écraser, non. Une petite démonstration de l'arsenal dans mon phrasé. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. Paix aux vaillants, inspirer vu que nos cœurs battent. La rancœur parle, faut respirer pour encore se battre. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. On lâche encore un autre texte, c'est pour la Bloc Family. Les temps sont durs, faut qu'on stabilise. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. Paix aux vaillants, inspirer vu que nos cœurs battent. La rancœur parle, faut respirer pour encore se battre. On aimerait bien faire l'histoire avec nos propres terres. On aimerait bien tout redémarrer sur nos propres terres. On lâche encore un autre texte, c'est pour la Bloc Family. Les temps sont durs, faut qu'on stabilise.